crois quand la mort viendra me pêcher à la ligne. Elle ne trouvera pas bien grand, elle ne me jugera pas digne. Quand la mort me verra accroché à sa ligne, elle me rejettera en se disant qu'elle guigne. Je me ferai calife pour la Californie, à côté de Schwarzy. Je ferai tout chétif pour me cacher, je crois que son bras suffira. La mort me verra pas et puis elle m'oubliera. Moi quand la mort viendra me pêcher à la ligne, elle ne trouvera pas bien grand, elle ne me jugera pas digne. Quand la mort me verra accroché à sa ligne, elle me rejettera en se disant qu'elle guigne. Et si quand je m'échappe elle me cherche des poux, moi je me ferai pape, pape chez les papous. Si elle sonne le tocsin quand je veux papoter, j'appellerai les saints, même la papauté. Moi quand la mort viendra me pêcher à la ligne, elle ne trouvera pas bien grand, elle ne me jugera pas digne. Quand la mort me verra accroché à sa ligne, elle me rejettera en se disant qu'elle guigne. Si cette fausse âme sœur me jette son hameçon, je guiderai son passeur vers un plus gros poisson. Lorsque ses assesseurs seront sur mon paillasson pour me flanquer le friston, je serai chez ma sœur. Moi quand la mort viendra me pêcher à la ligne, elle ne trouvera pas bien grand, elle ne jugera pas digne. Quand la mort me verra accrochée à sa ligne, elle me rejettera en disant qu'elle guigne. Et quand le finisseur voudra me faire monter dans le grand ascenseur, je vais pas me montrer. Quand le rouleau compresseur passera à son heure, je creuserai un trou pour passer en dessous. Point que la mort viendra me pêcher à la ligne, elle ne me trouvera pas bien grand, elle ne me jugera pas digne. Quand la mort me verra accroché à sa ligne, elle me rejettera en disant qu'elle est digne. Mais la dame à la foule avec son échafaud, elle m'échauffe un peu trop. Je lui dirai ce qu'il faut, que je veux pas que ça charrette et s'en faire tout un foin. Je veux pas que tout s'arrête avec les copains. Moi que la mort viendra me pêcher à la ligne, elle ne trouvera pas bien gras, elle ne me jugera pas digne. Quand la mort me verra accroché à sa ligne, elle me rejettera en disant qu'elle guigne.